entièrement vrai, mais t'as des prothèses. On a les armes et Dieu nous protège. Tu te maries, les jeans font le cortège. Demi-ami a coulé la neige. L'orage n'a pas fait pousser les arbres. La soumission à Dieu, la soumission aux armes. T'as peur de canner bébé, moi je veux pas que mon fils soit une pouca, vous devienne un drogué. Pas de mytho ni de rago, mon équipe envoie dans les cargos. Dans toute l'Europe, dans toute l'Europe, dans toute l'Europe, on t'inque ta run de la moto. Ils mourront pas, t'inquiète papa. J'fais que bénéf, déguste un bon repas. Il faut ma pièce, une île en graisse. Que les pas la vérité qui blesse. Putain le smic et jamais le loyer qui baisse. Et j'ai pas pour habitude que la vie me baise. Petite ambition, pas petit salaire. J'ai dormi dehors et caillé sa mère. Grande souffrance égale, niquer ta mère. J'en ai fait du mal mais c'était nécessaire. Ouais, ouais, ouais. J'ai 16 ans, je rêve de but, hein. Je sais que mon avenir est lointain. Je veux te comprendre avec douce, dévaliser le boutin. Oh là, papa, je vais le taper en main. Je vais rester jusqu'à demain. De Medellin, de pilote en ligne. Te ramène des listes dans un film, t'as pas la main. Grosse merde. J'irai me coucher quand le ciel sera bleu. Faut te niquer mon pote. Que son putain. Pris quelques millions putain. Il faut rester le même, pas devenir une putain. C'est l'histoire de ces gamins qui sont partis dans rien ma gueule. Belle et la prod. Ribro 3 pas ma mama, ça n'est qu'un drama, on fait pas zama. Je n'étais pas là, madame la procaster, j'étais chez moi. On va les choquer, on veut gratter des millions. Fumer, j'suis ok. Oh non, non, non, non, non. C'est vraiment avoir mort ou vivre tout seul, ça dépendra de toi. Le soir, les jeans se voient porte qui chie et ne parle que de moi. Ils me veulent dans les flammes. J'ai mon cœur et mon pare-balles, mon frérot. Fais gaffe sur mon portable. Aujourd'hui, y'a le béret, mon frérot. Vice, fils, tu ne verras que ça. Et la police, mon fils. Tu sais qu'on n'est pas fait pour ça.